L'Américain ne s'infiltre pas sournoisement. Il est déjà installé, il déménage, il a pris ses aises, changé les serrures et mis vos institutions à l'épreuve. Des camps existent. Les tribunaux sont corrompus, le pouvoir est centralisé. La cruauté est devenue routine, le culte des héros est impérial. Passez-moi les céréales, s'il vous plaît. Le fascisme en Amérique. Le fascisme en Amérique. La machine fasciste banalise les atrocités. La cruauté devient une réaction aussi naturelle que la météo. Les morts deviennent des statistiques en attente d'examen. Fermez les yeux, vous ne pouvez rien faire. Allez au zoo, nourrir les canards. Trouvez-vous des bottes à sucer. Le fascisme en Amérique. Le fascisme en Amérique. Juge budget de la fonctionnaire. Tout ce qui semble normal est éliminé lorsque le déni devient un espace où l'on efface votre visage. C'est une exposition médico-légale. L'effacement de toute normalité est remplacé par la botte d'un technocrate qui vous enfonce directement dans le derrière. Le fascisme en Amérique. Le fascisme en Amérique. Pas une échelle de rage. Riche sous la grêle et la glace, les frappes pleurer. On est tous condamnés à c'est mieux en prison que dans cet enfer de camp où la brutalité fait vendre. Autant faire la fête puisqu'on n'a rien à perdre et qu'au moins on sera nourri. Le pouvoir saignant provoque des crises de panique. Il est temps de mettre nos dirigeants sur la sellette jusqu'à ce que la machine s'autodétruise. Le fascisme se nourrit de la peur année après année. Les autoritaires gagnent. Ils pêchent en toute impunité, tout en vous aspergeant de gaz lacrymogène. Le fascisme en Amérique. Le fascisme en Amérique. La voiture le temps dit que la camionnette blanche arrive, vendant des sucettes à la coke. On se fait un max de fric, on vous envoie dans les camps et on vous souhaite bonne chance. Attention, il recule le camion. Si vous les gênez, vous êtes foutus.